Suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Paysans, les 4 saisons, une série de Julie Navarre réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a l'envie que l'on a parfois de vivre au grand air. Il y a aussi de la curiosité pour ce qui est un mode de vie, plus qu'un métier, et qui reste calqué sur le rythme des saisons. Et puis il y a l'idée de comprendre comment peut fonctionner la cohabitation dans une entreprise agricole, souvent familiale. Alors pour commencer, les personnages. Des céréaliers qui démarrent, des maraîchers bio qui se souviennent de leur début, des éleveurs qui sont passés au bio, des laitiers en conversion, des retraités qui se souviennent des premiers temps. Ensuite, le décor. Des BTS, des bacs pro, des lycées agricoles, des gestes qu'on a vu faire, qu'on sait refaire et d'autres qu'on ne veut plus faire. Des chiens, des brebis et la nature comme un décor. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est dans la porcherie. Il y en a d'autres ? Oui. Il y en a dans tout le bâtiment. Paysans, les 4 saisons. Jeunes agriculteurs. L'installation. On va être de plus en plus gros, ceux-là, ils ont le même âge. Un documentaire de Julie et Jean-Philippe Navarre. Moulissan, département de l'Orne. En bio, on a des aliments qui sont un petit peu moins riches que conventionnels, donc du coup, ça allonge un tout petit peu la durée de vie. Et plus le cochon prend le temps de grossir, meilleur il est. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. On a du mal à y croire maintenant. Il faut aller très très vite alors que l'élevage est plutôt lent. Quand il naît, il fait 1 kg, 1 kg et demi. Et 6-7 mois après, il fait 110, 115, 120 kg de poids vif. C'est pour ça aussi qu'on est arrivé à des élevages intensifs. Parce que c'est un animal qui a une productivité assez importante. Donc le principe du cochon bio, il doit manger bio. Ça, c'est la base. Une culture céréale biologique sans engrais chimiques et sans pesticides. Et ensuite, c'est un logement adapté au cahier des charges bio, c'est-à-dire le double de surface d'un élevage conventionnel. Et une courette extérieure, couverte, mais ouverte sur 3 côtés. Il passe un temps fou dans la courette. On ne sait pas pourquoi. Le cochon aime être dehors. Alors qu'à l'école, ils m'ont appris qu'il fallait qu'il soit à l'intérieur, à 19 degrés. Forcément, il consomme un petit peu plus d'aliments, ou il pousse un petit peu moins vite, mais la santé est meilleure. On n'utilise pas de vaccins, pas d'antibiotiques. C'est possible techniquement de faire de l'élevage sans antibiotiques, sans vaccins, à partir du moment où le cochon voit la lumière extérieure. Et du coup, ils sont hyper curieux. Il est joueur, le cochon. Là, c'est la première fois qu'ils vous voient. Et ils sont déjà à essayer de vous toucher, quoi. Voilà, enfin. Alors qu'en conventionnel, c'est plus bâtiment fermé, sans lumière, pour pouvoir pousser plus vite. Enfin. Oui, mais après, il y a la façon de les élever. Il y a certains éleveurs qui laissent la lumière la journée. Et les animaux ne sont pas forcément sauvages. Et il y a beaucoup de l'éleveur aussi qui influencent les animaux. Mais il y a aussi le mode de logement. Je suis d'accord. Moi, je me rappelle, mon grand-père avait 2 cochons. Il y avait une soue à cochons. Il allait dehors. Le cochon, il était bien dehors, en fait. Et là, maintenant, c'est plus comme ça que je vois les choses. De loin, ça se voit pas, mais c'est un champ de blé. Mais quand on arrive dans le champ, on voit les pousses de blé qui poussent à travers les pieds de colza. Je ne sais pas si vous vous rendez compte toute l'eau qu'on a eue, mais on s'enfonce pas. Dans un champ de labour, et ben on s'enfoncerait, quoi. Ça, c'est le colza. Donc ben, les racines, plus il y a de racines, plus ça va être cavité pour l'eau. Donc ben, elle s'infiltre, et puis après, ben, ça devient des cavités d'air, parce qu'il faut de l'air. Ça s'effrite bien, alors que je ne l'ai presque pas travaillé. Elle est pleine de radicelles. Elle est fourreuse. De voir des trous de vers de terre, ça c'est bon. Elles sont pas toutes comme ça encore. Ça me plaît. Après, c'est sûr que ça peut faire bizarre, hein, pour une génération d'agriculteurs qui ont l'habitude de voir que le blé. Je veux dire, on peut pas changer une génération comme ça d'un claquement de doigts, quoi. Pour faire de l'agriculture de conservation des sols, il faut accepter d'être déstabilisé. Là, pour l'essai, je dois avouer qu'on n'est quand même pas serein. Par contre, j'ai un gros défaut, c'est que quand je crois en quelque chose, je le fais en masse. Alors, j'ai fait tout mon blé de colza comme ça, alors que quand on va en formation, ils nous disent bien, procéder étape par étape, il faut faire des petits essais. Et j'ai du mal à me contenir. Emmanuel Gauthier, agriculteur à Rémalard, sur la ferme de Vaujour. J'ai 30 ans, je suis marié et papa d'une petite de 7 mois. Qui me suit dans les champs. Victoire. Donc nous on exploite une ferme, on a un propriétaire, c'est une ferme d'un manoir. Donc moi je suis la quatrième génération où on exploite la ferme du manoir. Donc on est dans au centre du parc naturel du Perche. Un endroit assez accidenté, avec des haies et tout, assez sympa à vivre, quoi. C'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu reprendre la ferme aussi, c'est que l'environnement est agréable, quoi. Moi, je me suis installé en 2009, à la suite de mes parents. C'est une installation, on va dire, cas d'école un peu standard. Mes parents partent à la retraite et puis je reprends la structure telle qu'elle est, quoi. Donc je m'installe et mon père devient ouvrier à mi-temps afin d'avoir une couverture sociale. Puis un complément de retraite aussi. Donc bah, la ferme en 2009 c'était environ 350 000 litres de lait. Donc on produisait avec entre 40 et 50 vaches. Et avec des céréales à côté, une surface en environ 180 hectares. Donc... Entre la mise aux normes et l'équilibre familial, on a décidé d'arrêter le lait. Donc la structure, c'est les 180, il y aura 10 hectares de prairies, puis le reste en céréales. Département de la Seine-Maritime. C'est parce que vous êtes le dernier fils que vous reprenez la ferme du père, ça se faisait comme ça ou... Bah oui, moi j'ai quand même donné mes bras jusqu'à 27 ans. J'avais de l'argent de poche, mais je n'avais pas de salaire. Je me suis installé en 1962. Les fermages, ça marche. On reprenait une ferme au 29 septembre. Pour les ensemencements, tout ça, les semailles se font en automne. Bon, je m'appelle Philippe. Je suis natif du Pays de Caux. Je suis arrivé en 1936 avec les congés payés. Et puis, j'en ai pas beaucoup pris dans ma vie de paysan, hélas. Mais c'est comme ça. Ils sont tous beaux. Celle-là en particulier. C'est une future maman. À chaque lot, je sélectionne une truie pour refaire des nouvelles mamans. On leur met juste une boucle pour les repérer parce qu'on les élève comme les autres. Et à la fin, elle a la chance de ne pas monter dans le camion et de rester avec nous. On refait les autres ? Oui. Benoît Guillaume, c'est drôle. À chaque fois, ça fait sourire. Donc, j'ai 32 ans. Je suis installé depuis le 1er janvier 2013. Moi, mes parents n'étaient pas paysans. Ma mère était postière et mon père agent d'entretien dans une cartonnerie. Enfin, c'est parti de mon oncle où je suis venu en vacances, des week-ends... à l'âge de 10-12 ans, après de plus en plus, jusqu'à venir tout le temps plus tard, et je me suis installé. Il avait donc 60 hectares de culture, des truies, uniquement en truies naisseurs, des taurillons, et je me suis pris dans la production de porc, parce que je trouvais ça marrant, les truies, c'était drôle, c'était... quand même assez technique. Donc du coup, mon cursus scolaire, ça a été BEP, bac pro. Et puis après, j'ai fait une certification de spécialisation en porc. Donc là, j'étais un an que du cochon en alternance dans une ferme où il y avait 400 truies. Donc j'ai appris le métier de porcher. C'est pas réellement ce que j'avais envie, mais bon, c'était une expérience. C'est bien que je l'ai fait parce que je me suis dit, jamais je ferai 400 truies. Vous, si vous aviez eu le choix, Vous auriez repris la ferme ou vous auriez fait autre chose? Ah non, moi j'avais une passion de mécanique, moi. Bon, et puis en plus, j'ai fait mon service militaire dans le génie, et c'était une passion. En rentrant, j'aurais pas eu de ferme, je serais lancé dans les travaux publics. Et comment se passe cette transmission? Déjà, est-ce que c'était simple de travailler avec votre père? Oh oui, quand même, mais on était soumis. Hein. C'était le patron, quoi, le patriarche un peu. Bon, quand par moments, il y avait bien des petits accros, des petits... Mais dans l'ensemble, ça se passait bien. Vers 16 ans, par là, peut-être un côté rebelle de l'adolescence, j'en voulais plus de la ferme. Et je sais que nos parents nous emmenaient beaucoup voir le Tour de France. J'aimais bien l'ambiance. Faire partie d'une équipe, ça m'aurait plu. La mécanique me plaisait. Alors, avant de faire des études agricoles, j'ai essayé de faire de la mécanique cycle-motocycle. Donc, j'ai tenu un trimestre et je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. À la rentrée qui suivait, donc je me suis inscrit en BEP agricole. Puis c'était en alternance, donc l'école passait vachement vite, quoi, parce que on était moitié en stage, moitié à l'école, donc les semaines défilaient. Puis le BEP arrive, après le bac pro. Je savais toujours pas si j'allais reprendre la ferme. Je mettais pas de pression, mes parents non plus. Vu que ça marchait pas trop mal à l'école, et on était quelques-uns à vouloir continuer. On a décidé d'aller faire un BTS en alternance. Analyse et conduite d'un système d'exploitation, je sais plus. Bref, moi c'est compta gestion. Puis on faisait beaucoup de visites de ferme et tout. Après on analysait ça en classe, c'était sympa. Et puis c'était encore plus concret, on était dans les chiffres. On était sur la rentabilité des systèmes. On n'était plus du tout sur la couleur du tracteur, on va dire. Avant, c'était ça, quoi. Je me rappelle, on avait une structure. On n'arrivait pas à trouver de défaut. La ferme payait pas de mine, quoi. On se dit, oh. Visuellement, on se disait, oh, c'était le boui-boui, quoi. Mais quand on ajustait les chiffres, non, l'équilibre était bon, quoi. Donc, c'est ce que le BTS nous a apporté, c'est du recul, on va dire. Je voulais pas m'installer seul. Il n'y avait pas encore de filière de porc bio. Ça, c'était en 2009 quand Michel a arrêté les truies, mon oncle Michel. Du coup, on n'a pas voulu tenter, parce qu'on ne savait pas où on allait. Et 2 ans après, ceux qui avaient essayé, ils avaient des chiffres, et du coup, c'était un peu plus motivant. On a construit les hangars pendant 1 an et demi. Et donc, fin 2012, j'ai mes premières truies qui sont arrivées, c'est parti. Là, j'étais associé avec mon oncle, qui lui savait qu'il partait en retraite en 2015. Ça va ? Oui ? Ça va ? Et Francis est arrivé au mois de mars 2016. Francis, je suis donc sur l'exploitation avec Benoît, mais je suis en contrat de parrainage. Donc c'est un système qui a été mis en place par le conseil régional pour pouvoir aider l'installation et le maintien de l'agriculture en Normandie. J'ai mis une annonce pendant 1 an et demi et j'ai eu un contact. Donc il n'y a pas trop de clients pour vouloir s'installer. Moi j'utilise ce contrat de parrainage parce que je n'ai aucun lien de parenté avec Benoît. Donc la région prend une moitié de mon salaire et Benoît l'autre moitié. J'ai vu beaucoup d'exploitations conventionnelles à reprendre et aujourd'hui il va y en avoir beaucoup parce que la génération se renouvelle. Et en conventionnel, à chaque fois les études économiques ça passait pas. En dernier lieu, j'ai vu l'annonce de Benoît. C'est vrai, d'un premier abord, j'étais pas forcément attiré par le bio. J'ai vu le système et ouais, ça m'a bien plu et donc on a lancé ce contrat de parrainage. Et voilà, donc dans un but final normalement de s'installer avec Benoît. Voilà. Ou pas. Donc il existe 2 hypothèses et donc on part plutôt sur la deuxième parce que pour des raisons ou d'autres, ça va pas se faire. Voilà. J'ai appris le métier entre guillemets avec mon père. Je rentrais du collège, je passais pas par la maison, j'allais directement à la porcherie en maternité, voilà. J'ai fait un bac STAE, donc la filière agricole, hein, et un BTS production animale. Je suis allé dans une station expérimentale qui qui en fait comparait un système de truie élevée sur litière et un système de truie élevée sur calibotique conventionnel. Je suis revenu ensuite à la maison sur l'exploitation de mes parents. Et j'ai eu des aléas familiaux, on va dire. Mon père est décédé, donc j'ai pris les commandes de l'exploitation avec ma mère, on va dire. En 2010, on a vendu l'exploitation parce que ma mère avait envie de tourner la page et moi j'étais encore assez jeune, donc voilà. Département de l'Eure. Je me suis installé en 77. Bah, là maintenant j'ai 65 ans, donc Pierre de Comte. Moi je suis fils d'agriculteur dans le Pas-de-Calais. Mais mon père ne voulait pas que je sois agriculteur parce que il m'avait payé des études. C'était pas pour être agriculteur. Donc il ne voulait pas céder sa ferme et donc il y avait cette ferme-là dans l'Eure qui venait de ma grand-mère qui était possible de reprendre. Donc c'est comme ça que je me suis installé agriculteur pour voir si vraiment la bio était réaliste, quoi. Enfin, si on pouvait vivre de la bio, c'était vraiment possible de mettre ça en pratique, quoi. Parce que j'avais pas d'a priori contre le bio, mais enfin, je dirais économiquement... J'étais plus que sceptique, quoi. Mais l'idée m'intéressait. Le bio n'était pas à l'ordre du jour dans les écoles d'ingénieurs à cette époque-là. Je pense que j'avais vraiment aucune idée de faire de l'agriculture jusqu'à ce que je découvre la bio aux États-Unis. Et là, effectivement, ça m'a motivé parce que les gens qu'on a rencontrés, bon, on a rencontré un peu de tout, hein, puisqu'on a fait des petits stages dans différentes fermes. Donc j'ai rencontré des céréaliers dans l'Iowa, là, dans le Corn Belt, là. Et donc maïs, soja, où la seule motivation, c'est le tiroir caisse, quoi. Donc, et puis à côté de ça, les bio qu'on a rencontrés, bon, ben, y avait toute une réflexion. Puis j'ai vu que ben, même en bio, ça poussait. Donc il y avait des cultures qui ressemblaient à quelque chose, qui n'étaient pas envahies de mauvaises herbes, qui... En même temps, le raisonnement global, disons, sur l'environnement, sur la santé, et le fait que économiquement, techniquement, il y avait des résultats, ça m'a semblé être le bon sens. Mais vu que c'était pas la règle générale, loin de là, c'était un pari à essayer ici, parce que moi, je voulais voir, dans nos conditions en France, bon, est-ce que ça peut marcher aussi de la même manière qu'aux États-Unis ? Qu'est-ce que tu as appris pendant ces 12 mois ? D'une, j'ai découvert la filière bio. Francis Guingamp. Comme Benoît le disait, c'est vrai que ben on donne une place à l'animal. On voit qu'il est bien, il exprime son potentiel à fond, quoi. Et même en travaillant tous les jours dedans, des fois on s'arrête en regardant les cochons, on se dit bah tiens, ils sont vraiment heureux avec leur queue longue et puis l'espace qu'ils ont, ils sont heureux, quoi. C'est un plaisir, quoi, de venir au boulot. On n'y vient pas en reculons, ça c'est sûr. Et puis on a le temps de vivre aussi, quoi. Comme on est à deux sur 40 truies, on est sans engraisseur, ça va peut-être faire peur aux conventionnels, mais on arrive à y vivre largement. Et après, faut peut-être pas trop les bruiter parce que nous on arrive à y vivre comme ça, mais on est vraiment éleveur plus que. Ouais. J'ai travaillé dans des élevages à grands effectifs. Bon, il y a un métier d'éleveur, c'est sûr, mais après, ça devient vite fait de la routine, en fait. J'avais 64 mises bas toutes les 4 semaines. Moi. C'est-à-dire que tous les 4 semaines, il faut nettoyer ces 64 places de mises bas, il faut mettre bas ces 64 truies, et puis il faut sevrer les 64 portées. On n'a pas trop le temps de s'attacher aux animaux. Mais ici, ça n'a rien à voir avec ici, où là, par exemple... On parlait ce matin de oreilles frisées en matière qui cale un peu parce qu'il est temps qu'elle soit sevrée ou d'une autre cochette qui était plus ou moins protectrice au début et puis qui maintenant est calmée. Enfin bon, voilà, on les connaît. Donc c'est vrai que ça, c'est valorisant et c'est motivant de voir les animaux évoluer aussi. Ou l'autre jour, nos truies, quand elles ont fini leur carrière, elles partent à l'abattoir aussi normalement. Et c'est vrai que... La 743 est partie l'autre jour et le chauffeur me disait « Tiens, je vois plus le patron. Bah, » J'ai dit « Il veut peut-être pas voir ses bonnes truies partir. » Donc c'est vrai qu'on est attaché à nos animaux. Et, bon. C'est le métier d'éleveur aussi, il faut accepter de... C'est une page qui se tourne, des fois les animaux, ben voilà. Mais je reviens aussi, moi, à mon enfance, mes deux grands-parents étaient agriculteur. Benoît Lyon. Plus locataire, il voyageait de ferme en ferme, sauf côté maternel où à la retraite il avait gardé quelques hectares et quelques bovins. Et c'est vrai que notre système à nous se rapproche plus de son petit système à lui où il avait, je sais plus, 20 bœufs à l'herbe. Il les connaissait tous et moi aussi je les connaissais tous. Et des fois ça me fait un peu penser à lui. Et t'as l'impression qu'il y a eu une plus grande rupture entre tes grands-parents et tes parents qu'entre toi finalement et tes grands-parents. Oui. Et puis surtout qu'ils ne voulaient pas cet enfermement dans une ferme, mes parents. Ils ne voulaient pas être esclaves de ça. Ils l'ont subi peut-être, quoi. Oui, ils l'ont subi étant jeunes. Ils restaient. Ils n'ont pas repris. Non. Enfin, ils ont tout fait pour que je ne sois pas paysan. Mon oncle l'a remporté. Parce que... Ouais, il a réussi à me donner le virus. Département de l'Orne. Moi, je me suis fait employer de bureau. Ensuite, ben, je me suis mariée très jeune, hein, j'avais 18 ans. Je suis arrivée ici, au Champ-Romé. Hein. C'était une découverte pour moi quand même, c'était pas rien. Puis l'année d'après, on a eu notre première petite fille. Et ben, c'est tout ça, c'était bien rempli, hein. La vie était bien remplie. Chez nous, il y avait quand même l'activité. On recevait un peu, on recevait un peu des gens. Enfin, Il y avait beaucoup d'allées-venues chez nous. Oui, hein, il y avait de l'allée-venue. On distribuait du café. Ouais, c'était une façon de faire du lien, quoi. Maman, ils venaient ensemble, papa, ils jardinaient un petit peu. Ils venaient prendre le café avec nous, hein. Ça, c'était des bons moments. Ils s'assoyaient là, ben, à la place du stagiaire. Dans cette maison-là. Maman amenait, je crois qu'elle faisait des petits travaux, je crois bien. Elle repassait le linge. Ils sont allés à côté. Mais c'est vrai que ils sont partis, nous ont laissé la place. Ça a peut-être bousculé un peu, hein. Ça les a sans doute bousculés, oui. Je m'appelle Marie-Claire, j'ai 68 ans. Nous avons 3 enfants. Je m'appelle Jean-Claude, je suis né en 1943. À Saint-Fulgent-des-Ormes, dans l'Orne. Arnaud Chausset, 45 ans, et puis je suis exploitant agricole à Saint-Fulgent-des-Ormes, voilà, à la ferme des Champs-Romais. J'ai toujours été intéressé, j'ai toujours travaillé ici, en fait, dans le cadre de l'activité agricole avec mes parents. Oui, j'avais 15-16 ans, je menais la batteuse. Enfin, ça a toujours été un centre d'intérêt important pour moi. Après, je ne voulais pas forcément être obligé de le faire, me sentir... incapable de faire autre chose que de revenir à la ferme. Il fallait que je le fasse en liberté. J'ai pris le temps, puis mes parents aussi m'ont laissé le temps finalement que de voir ailleurs, de faire des études supérieures. J'ai pas de formation agricole du tout, ça fait peut-être un peu défaut, mais enfin, je suis allé à l'université pour ma part. J'ai fait une maîtrise de géologie, et puis je suis revenu après travailler dans le cadre de l'activité de la ferme. Mais j'ai appris en faisant au gré des saisons avec mes parents, sans doute, oui. Mais j'avais commencé une formation BPREA. Mais j'ai pas abouti à la formation, j'étais tellement pris avec mon activité. Enfin, j'étais déjà à travailler ici et je pouvais pas me libérer plus que ça. J'ai d'abord eu un statut d'employé au début, et puis après, on s'est installé un peu plus tard. Je saurais même pas dire quand, mais enfin, ça s'est fait naturellement dans une forme de continuité. Marc Bourgeot, je suis donc né en 1949. Ah ben j'ai 67 ans, ma voix. Alors, on est donc à 7 km de Chartres. Et cette terre de Beauce, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Ça dépend pour quoi faire. Pour faire du blé, c'est formidable. Donc là, on est dans la ferme familiale. La ferme familiale, c'est ça. C'est mon grand-père qui, à la fin de la guerre de 14, a pu acheter parce qu'il y avait 3 garçons ici. Les 3 garçons se sont fait tuer à la guerre. Malheureusement, ça arrivait souvent. Et il a pu acheter cette ferme. Et votre père, lui, il a exercé jusqu'à quelle date ? Mon père a exercé jusqu'à ce que moi, je sois agriculteur, c'est-à-dire jusqu'en 72. À quel âge, vous savez, vous apprenez, enfin en tout cas, où vous comprenez que vous allez prendre la succession ? Je sais pas, je devais avoir peut-être 5 ans. Je blague, mais c'est un peu depuis toujours. Okay. J'étais le seul garçon, donc j'étais agriculteur. Point. La question est tranchée. Donc ensuite, la formation, elle vient naturellement Oui, la formation, j'ai été à l'école d'agriculture juste de l'autre côté de Chartres, où Rodolphe est allé après. J'ai passé donc un bac technique agricole. Après, j'ai fait une école de commerce à Paris, à Neuilly exactement, parce que je trouvais que ça pêchait nettement sur la partie gestion commerce. Et qu'est-ce qu'on vous apprenait au lycée, à l'école agricole? À l'école agricole, on apprenait à faire pousser du blé. C'était vraiment céréales? Ah ouais, c'était... À l'époque, on n'apprenait que ça. Hein. On apprenait aussi vaguement à faire une ration alimentaire pour les animaux, mais c'était un peu rudimentaire. Et c'était un apprentissage, déjà dans l'optique de mécaniser davantage C'était l'ambiance générale de l'époque, hein, mais pas plus que la moyenne de la population. Il n'y avait pas une orientation manifeste pour ça. Mon père a tout appris sur le terrain. Donc, ce qu'a connu mon père au niveau de l'évolution agricole, c'est incroyable, quoi, parce que quand il était gamin, il a connu le labour avec les chevaux. Emmanuel Gauthier. C'est-à-dire, il trayait les vaches à la main, et puis aujourd'hui, on arrive au robot de traite. C'est révolutionnaire. Dans les années 2000, donc mon père a commencé une évolution au niveau des productions végétales. C'était l'arrêt du labour, par exemple. Nous avons des terres très battantes. C'est une terre, on sème, et la terre est tellement fine qu'elle se dame sur le dessus, et même que quand il pleut, ça fait un effet d'érosion. Donc ça fait un effet d'érosion, ça fait une croûte de battance, donc une partie très dure sur le dessus, et puis les cultures, elles ont énormément de mal à passer cette croûte de battance. Avec le semis sans labour, on laisse toute la partie végétale sur le dessus, et il y a plus de liens entre la terre fine, et il y a moins d'écoulement de terre dans les ruisseaux. Donc jusqu'à mon installation, il a géré ça sans labour, voilà. Ça a nécessité, par contre, l'emploi du glyphosate, parce que le labour, c'est une manière de désherber, donc là, il fallait bien une méthode alternative pour désherber. Et après, mon installation, j'ai continué, mais je voulais le faire avancer un petit peu. En 2013, je suis allé au GVA, donc Groupement de Vulgarisation Agricole, organisé par la Chambre d'Agriculture. À cette époque-ci, on parlait d'agriculture écologiquement intensive. C'était une façon de produire autant, mais de façon plus écolo. Donc moi, ça me correspondait bien. On va dire qu'on faisait du semis sans labour, sans mettre autre chose à la place. Et il y en a quelques-uns qui faisaient du labour, mais qui avaient déjà mis en place des couverts végétaux, qui étaient déjà plus avancés sur le système, même, on va dire, réduction du travail du sol. Et donc on a essayé de faire revivre les sols par le biais des techniques sans labour. Et on s'est rendu compte que plus on réduisait les passages, on faisait des économies, mais le sol ne vivait pas. Et on s'est rendu compte qu'il fallait l'alimenter, le sol. Moins on travaille, plus il faut l'alimenter. Et on s'est rendu compte qu'il fallait un sol toujours couvert. Toujours qu'il y ait de la végétation dessus, comme une forêt, comme une prairie. Une prairie, c'est magique, ça pousse tout le temps. Ben oui, pour mettre l'aliment. Ah oui. Et on n'a pas refermé la porte. Voilà. Une porte mal fermée égale cochon dehors. Tout le temps. Combien ça fait de petits Donc on a 40 truies divisées en 3 lots de 12 truies. Donc à chaque fois, tous les 2 mois, on a 12 truies qui mettent bas. Donc une truie, c'est 10 porcelets à peu près de moyenne. Donc ça fait 120 porcelets tous les 2 mois. Et on a deux logements et demi en engraissement, donc 2 fois 120, plus un poste sevrage de 120. Donc au total, on a à peu près 450 animaux présents sur l'exploitation. Et on part de 40 truies. Ça fait beaucoup. Le cycle d'une truie est court. Enfin, la taille d'élevage, 40 truies, c'est tout petit. Il y a un zéro de plus, normalement. Donc. Et en conventionnel, aujourd'hui, une unité de travail humain, c'est à peu près 120-150 truies, quoi. Ça veut dire que nous, on a 20 truies chacun, on arrive à vivre quand même aussi, ouais. Sans problème. On est la génération 35 heures aussi, donc si les vaches, on pouvait leur dire stop, pas de lait pendant le week-end, ce serait bien, mais où les cochons, il faut qu'ils mangent aussi le samedi et le dimanche. Hein, donc il faut qu'on soit là quand même le dimanche, soit moi, soit Benoît. Benoît, l'idée qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'il voulait pas travailler tout seul, notamment pour ça. Il faut être là du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. Donc ça, seul à assumer, aujourd'hui, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille du lundi au dimanche? Pour une rémunération, nous, ça nous va, quoi, mais aujourd'hui, on en veut toujours plus, donc c'est vrai que est-ce qu'il faut être d'accord de travailler toute l'année. Après, il y a madame aussi qu'il faut prendre en compte, enfin les enfants, la famille, voilà, donc... Mais après, travailler en association comporte aussi d'autres inconvénients, donc c'est un peu comme un mariage dans le privé, hein. Il faut gérer aussi, c'est une vie de couple, mais au travail, quoi, donc il faut, faut gérer... On a deux couples à gérer. On a deux couples à gérer, voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est vrai que... Ça a un prix, la liberté a un prix. Je m'appelle Annabelle, j'ai 37 ans, je suis agricultrice avec mon mari sur la commune de Saint-Honoré, en Seine-Maritime. Et est-ce que vous-même, vous avez grandi dans une ferme ? Pas du tout. Ma mère a été mère au foyer et mon père conduisait un camion poids lourd. À Sainte-Foy, dans le petit village à 2 km. Comment vous en êtes arrivée à exercer ce métier alors ? Oh ben, par amour pour mon mari et surtout pour les animaux aussi. Je l'ai rencontré, j'étais très jeune et je me suis installée avec lui, j'avais 17 ans, quasiment 18 ans, donc ça s'est fait naturellement. Son père étant tombé malade, il a repris la ferme. Très jeune, donc je suis venue l'aider. Et puis après, j'ai appris sur le terrain, jour après jour, en faisant des erreurs. Et après, c'était mieux, quoi. Je suis une fille de la campagne et voilà. J'aime soigner les animaux et j'aime être dehors aussi. À dire vrai, on ne m'a jamais encouragé vraiment à faire le métier. Ça m'est venu comme ça sur le tard, je dirais. À 15-16 ans, je me suis dit, il y a quand même deux générations qui ont travaillé avant moi. Comme on dit, on remplace jamais personne, on prend la relève, et puis on essaie de transmettre à notre tour. Mais c'était presque une notion, on va pas dire de devoir, mais presque, de dire, voilà, il y en a qui ont travaillé à un outil, qu'on fait de la génétique, améliorer un troupeau. Et donc, il y a sûrement un petit peu de notion de transmettre et de faire durer. Mais sinon, j'ai jamais été plus mordu que ça étant gamin par le tracteur, etc. C'est pas la mécanisation qui m'a toujours porté et intéressé. Alors moi, c'est Olivier Potel, j'ai 42 ans, je suis installé en Seine-Maritime sur une petite exploitation de 66 hectares avec une quarantaine de vaches normandes. Vous aviez des frères et sœurs ? Ma sœur aînée est née en 63, la deuxième est née en 1966 et puis moi en 1974. On bossait relativement de bonne heure quand même. Comme disait mon père, pour qu'un jeune travaille, il faut qu'avant l'adolescence, il ait déjà goûté au travail. Moi, je me rappelle, à 9-10 ans, oui, j'aidais à l'époque, les fenaisons et les pailles, c'était des petits ballots, des petites balles de paille de 10 kilos. Donc, je les passais, je faisais la chaîne et je les passais à mon tour. Je marchais derrière la presse dans les champs pour jumeler, c'est-à-dire mettre un rang sur un autre. À 15-16 ans, quand je revenais de l'école, le week-end, c'était vider les étables de petits veaux à la main, puis emmener le fumier en tracteur dans les champs. C'était mes premières expériences vraiment professionnelles. J'ai jamais très vraiment, avant d'aller en stage, à l'âge de 15-16 ans, 16-17 ans, en brevet de technicien agricole. J'ai beaucoup appris en stage. J'ai eu un super maître de stage, d'ailleurs, qui était doué en élevage, doué en mécanique, doué dans la plaine. Et donc, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Je me cherchais encore, l'adolescence, etc. J'ai eu mon diplôme agricole. Mon père mettait un point d'honneur à ce que je fasse mon service national. Pour lui, c'était obligatoire. Une forme de devoir. ça me dérangeait pas, le service national, et ça m'a ouvert... J'étais content de faire mon service national en région parisienne, en gendarmerie nationale. Je pense qu'il aurait fallu peu de choses pour que je devienne gendarme aussi. Ça me plaisait vraiment. Et puis, il y a un moment, on a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Mon père était déjà bien usé, bien fatigué. Et puis, j'ai décidé de revenir à la ferme. J'ai fait mon stage 6 mois, préparatoire à l'installation, dans une exploitation agricole. Et puis, je suis revenu à la ferme, du coup, en 97. Le temps de faire les démarches administratives, etc. Je me suis installé en septembre 1997. On apprenait le métier sur le tas, et puis... Philippe. Maintenant, les jeunes, ils vont en stage, ils vont en formation dans plusieurs fermes. Ils voient autre chose que nous. C'était quand même un peu cloisonné. Hein. Bon, moi, j'ai fait quand même mon service militaire, une bonne partie en Algérie, qui laisse des mauvais, mais des bons souvenirs aussi. J'ai trouvé une camaraderie et tout ça. C'était assez... En tout cas, une expérience oui. En dehors de votre oui, puis nous, ça a changé vraiment parce que en agriculture, on sortait quand même pas trop. Il y avait ce qu'on appelait les balles d'agriculture. Donc, c'était toute la jeunesse paysanne qui se retrouvait. Mais ça avait un succès fou. Et c'est là que j'ai connu mon épouse. Je m'appelle Denise. En 61. Je suis née en 1941. Et est-ce que vous souhaitiez, vous, épouser un agriculteur ? Pas forcément, hein, mais bon, disons que c'est le coup de cœur, quoi. Et au moment de votre mariage, vous vous êtes posé la question de travailler à l'extérieur et de laisser votre homme à la ferme, ou ça se posait pas, cette question-là ? Non, la question se posait pas. Non, c'était dans les traditions, la femme... suivait le mari, quoi, en fait. C'était comme ça dans toutes les fermes, pour ainsi dire. Plus tard, oui, ça a beaucoup évolué. Hein. La femme était plus indépendante, quoi. Moi, je m'appelle Patricia, je suis originaire de la Sarthe et je suis maraîchère dans ce département. J'ai 52 ans. Quand je me suis installée avec mon mari, j'ai toujours voulu avoir un statut comme exploitante agricole. Je ne voulais pas travailler pour rien. Enfin, pas comme rien, mais les parents, dans le temps... Papa était reconnu, mais maman était juste une femme d'agriculteur. Et moi, je voulais avoir un statut. Donc, c'est pour ça qu'on s'est installés tous les deux. On a fait une ARL à deux. Et on détient 50% chacun des parts. Quand on voit les femmes d'agriculteurs qui n'ont pas de retraite parce qu'elles n'étaient pas reconnues, ou alors qu'elles ont 350 euros parce qu'elles étaient juste femmes d'agriculteurs, moi, je voulais pas. Je voulais quand même être quelqu'un, être reconnue. Comment ça se passait, le statut des femmes dans les fermes à votre époque ? On n'en avait pas. Moi, j'ai quitté l'école en 55. On s'est mis au travail, mais on n'avait pas de statut du tout. On était entretenus chez les parents, c'est tout. On avait une petite dot quand on se mariait. Et puis, d'ailleurs, qu'on investissait aussitôt pour le matériel. C'est ce qu'on a fait en démarrant, hein. Acheter le tracteur... avec le complément de la dot, même si on avait un crédit, hein, c'est normal. Et puis après, disons que on avait un compte commun. Hein, ça a toujours été comme ça, hein, dans les fermes. Non, on n'était pas salariés du mari. Hein. Non, on travaillait ensemble. Et vous découvriez le métier, du coup, vous avez appris. Oui, tout à fait, oui. Vous faisiez quoi dans la ferme ? Marie-Claire Chaussée. Beaucoup de choses. Bah oui. Finalement, j'ai fini par m'occuper des porcs et passer le plus clair de mon temps. Hein. J'ai passé mes journées entières. Hein. Oui. Il y avait du travail, mais c'était normal. Jean-Claude Chaussée. Mes parents, je pensais tout du moins, que la modernisation, ça devait permettre l'accroissement du bien-être des gens. Ça, c'était des idées qui étaient développées par la CDJA, hein, et par les jeunesses chrétiennes, et puis c'est ce qu'on nous apprenait. On nous apprenait l'intensification devait permettre d'améliorer le genre de vie des gens. C'est ce qui a été fait. Hein. Et c'est ce que vous avez fait quand c'est ce qu'on a fait. À la reprise. Oui. Nous, on a intensifié tout ça. Mes parents se sont installés à la suite de leurs propres parents et ont mis en place un atelier de porc typique à l'époque. Hein, c'était 120 truies des serres engraisseurs. Arnaud Chaussée. Mes parents ont investi de façon importante en 81 pour faire suite à l'acquisition des trois quarts de l'exploitation agricole. Et en fait, ils ont investi à des taux d'intérêt très importants en espérant que les prix du porc allaient se maintenir. En fait, ils ont chuté juste après. Donc, entre des remboursements importants d'annuités et des cours qui s'effondraient, ça a été vite très difficile de gagner sa vie. Mais quand on est pris dans un financement de bâtiment et des charges importantes qui sont mises en œuvre, on ne peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. On espère toujours un mieux, mais il faut qu'il vienne un jour. Quand il ne vient pas, c'est la banqueroute, quoi. Et donc, on n'a pas été jusque-là, mais on a trouvé un sursaut d'énergie, une volonté commune de faire autre chose. On avait 20 ans à ce moment-là et on a trouvé l'énergie de mettre en œuvre une activité de vente directe à la ferme qui nous a permis de retrouver un petit peu d'espoir et de gagner enfin notre vie, ce qu'on ne faisait pas avant. 60-70, c'était encore l'après-guerre quasiment. Et ce qu'on avait besoin, c'était de nourrir la population quoi, en Europe. Marc Bourgeot. D'ailleurs, on a importé énormément d'Amérique du Nord de céréales parce qu'on n'en suffisait pas. Les prix étaient très très élevés pour inciter à produire plus, quoi. C'est là où on a arraché toutes les haies un peu partout. On a certes été excessif parce que la politique c'est un peu ça, quoi. Si c'est un système de balancier, ce qui fait que c'est trop d'un côté, puis après c'est trop de l'autre. Mais la qualité du maïs, par exemple, ou du blé, ça n'avait strictement aucune importance. Parce que du moment où vous aviez tant de quintaux à vendre, c'était suffisant. Maintenant, on vend ça à la tonne. Mais on vend surtout ça à la qualité, quand même. Pour le blé, c'est surtout une affaire de protéines. Il faut qu'il y ait... Alors ça, c'est un vrai casse-tête, parce qu'il faut qu'il y ait le maximum de protéines, en gros, mais avec le minimum d'azote. Or, ce qui fait que le blé a plus de protéines, c'est qu'il a plus d'azote pour l'alimenter. Donc ça, c'est tout un jeu pour essayer de faire le moins mal possible, quoi. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a appris au cours de ma génération. Mais ça, c'est amusant, ça, c'est intéressant à faire. Un peu comme quand j'étais enfant, il y avait des boîtes de chimie pour les enfants, pour qu'ils jouent avec des petits réactifs. C'est un peu ça. On joue aux petits chimistes, en fait, pour savoir si la plante est en stress ou pas, au point de vue azote. De toute façon, elle lui a apporté ça quand elle en a vraiment besoin. Aller expliquer à un agriculteur qui fait 90-100 quintaux tous les ans et qui a un revenu stable, intéressant, de lui faire changer ses pratiques, c'est très très compliqué. Emmanuel Gauthier. Je ne veux pas dire que c'est humain, mais quand eux, ça, de leur côté, ça marche et tout. Donc cette technique de conservation des sols, on appelle ça l'agriculture de conservation des sols, elle est partie d'agriculteurs donc, qui avaient des terres à plus faible potentiel et ils se sont rendus compte qu'ils ont réussi à la faire revivre grâce à... aux couverts végétaux, au non-travail du sol. Donc on récolte le blé, on sème aussitôt une culture végétale, donc type légumineuse, graminée, crucifère, protéagineux. On peut mélanger toutes ces espèces, en mettre qu'une, parce que bon, l'idéal c'est de faire des mélanges, comme ça chaque espèce amène ses qualités. On sème la culture qui suit dans ce couvert-là. Nous, on est en période de transition, donc on est en train de mettre en place des intercultures. Mais on travaille encore un peu la terre pour faire la transition. C'est pas du jour au lendemain qu'on fait revivre un sol, parce que plus notre sol va vivre, plus notre interculture va être belle. Plus l'interculture va être belle, mieux la culture suivante va se développer. Et pour faire une belle interculture, ça vient pas du jour au lendemain. Donc au début, on va avoir une interculture qui va être haute de 20 cm. Alors que les personnes qui nous forment ont déjà des cultures qui leur arrivent au niveau du menton, quoi. Nous, on n'est pas encore dans cette période où on travaille un petit peu. On est dans une période où on le travaille moins intensivement, on va dire, pour petit à petit, après, trouver notre équilibre aussi à nous, quoi. Nous, on commence, mais là, c'est agréable de voir ça. Donc, là, ici, donc j'ai fait un round-up. Donc il y a du colza qui a réussi à repousser. Donc je sais pas si on va pouvoir avoir des limaces. Là il y a. Parce que ce qu'on pourrait craindre, c'est qu'avec la végétation et tout, en général on voit les agriculteurs qui dégagent le colza et ils se disent s'il y a du colza, il va y avoir trop de limaces. Mais au final, C'est comme nous, quand on a le ventre plein, eh ben, on se jette pas sur la nourriture. Mais par contre, si on me retire la nourriture pendant une journée, bah, le lendemain, eh ben, je vais manger comme un mort de faim, quoi. Et bah, la limace, c'est pareil. Si on lui coupe la nourriture pendant une semaine ou deux semaines, eh ben, le petit brin de blé qui va sortir, elle va pas en laisser une miette. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, ça donne ça. J'espère que la crainte au début, c'est qu'il y a les limaces, mais il n'y a personne pour les réguler pour le moment. Les carabes mangeaient les œufs de limaces, donc ils régulent la population de limaces. Mais sauf que là, moi, pour le moment, j'ai pas de prédateurs. Donc j'ai des limaces à plein. Donc, tant qu'il y a assez de colza pour nourrir les limaces, ça va, mais surtout, faut pas qu'ils changent de nourriture. On arrive dans les gestantes. Et en dessous, sous la paille, il y a une maman qui est bien au chaud. On ne voit qu'une oreille. Elle mange les bottes. Mais elle, c'est la reine, elle. Madame a été dérangée. On s'est rendu compte de son caractère et puis bon, bah, on fait avec. Et au fur et à mesure, et bah, elle s'adapte et on s'adapte à elle aussi. Donc, maintenant, on arrive à cohabiter. Je pense que le modèle d'installation, pour l'instant, les jeunes, ils connaissent le système que leurs parents ont mis en route, donc conventionnel, caille-botti, et du coup, ça fait peur aux enfants. Enfin, il va falloir plus d'une génération encore pour que ça disparaisse, que ça redevienne normal. Car à l'école, enfin moi, quand j'étais à l'école, on m'a jamais parlé d'agriculture biologique. Aujourd'hui, par force, on est obligé d'y arriver, mais c'est pas à 100%, il n'y a pas obligation d'avoir des cours d'agriculture biologique. On est stéréotypé, c'est-à-dire que ou en école d'agriculture, eh ben, on nous montre un système, eh ben, on ne cherche pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire que ouais, on nous a appris ça, hop, on roule, et puis on est conditionné pour produire comme ça. Et quand on est adolescent, où on n'a pas forcément cette capacité encore à chercher d'autres solutions. Ou donc, moi, par exemple, j'ai 31 ans aujourd'hui, c'est vrai qu'il m'a fallu un peu de temps pour arriver dans le bio. J'avais même un a priori négatif avant, quand j'étais à l'école, justement. À l'école, j'avais mes copains, ils me disaient, bah, papa, il fait comme ça. Donc du coup, je fais comme papa. Ça me faisait rire, moi, j'avais pas de papa qui faisait ça, donc j'avais mon oncle. Mais il suffit juste de regarder autour ce qui se fait et pas refaire ce qui fonctionne pas. En fait. Est-ce qu'on travaille pour faire travailler beaucoup de monde ou est-ce qu'on travaille pour faire vivre notre famille et dans des bonnes conditions? Est-ce qu'on travaille pour faire travailler la banque? Voilà, ça c'est des questions après aussi justement où c'est à l'éleveur de réfléchir, quoi. Je dois dire que pour mon père, c'est pas toujours évident, mais j'ai toujours eu cette liberté d'essayer ce que je voulais en quelque sorte. Après, il est là pour me mettre les holà. J'essaye de l'écouter. Après, c'est sûr que quand on a des parents qui s'ouvrent, c'est mieux. En fait, le but, c'est de réduire les produits phyto, d'être plus autonome. Mais qui dit d'être plus autonome? Parce que quand on rencontre les gens qui nous forment, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Et quand ils ont proposé le système qu'ils étaient en train de mettre au point, eh ben on leur dit, mais oui, bah vous consommez moins de matériel, vous consommez moins de produits phyto. Mais ces entreprises-là, comment on les fait vivre? Il y a du personnel derrière tout ça. Il y a une économie derrière tout ça. Voilà ce qu'on leur répond, quoi. Mais vous regardez, là, il n'y a pas de France Agricole sur la table. Il y a le TCS, Technique Culturelle Simplifiée. Et en fait, c'est tout sauf simple, quoi. Il y a un article sur les mycorhizes, par exemple, une espèce de champignon qui passe sous forme d'auxiliaire au niveau des cultures, quoi. Bah, c'est sûr, ça fait mal à la tête, hein. Là, en fait, la vie du sol, c'est les bactéries, c'est aussi les champignons, c'est les carabes, les limaces. On la voit pas, mais y a toute une chaîne alimentaire dans le sol. C'est vrai que nous, en tant qu'agriculteurs, on est des hommes de terrain. Mais bon, de temps en temps, d'aller en formation, d'apprendre, ça apporte. Moi, j'ai mis le doigt dedans. Maintenant, je mets la main et c'est devenu une passion, quoi. Donc après, à moi d'avoir assez de recul. Attention, on travaille avec du vivant, c'est pas carré. Notre terre, elle change pas du jour au lendemain. Il faut accepter un petit retour en arrière. Il faut être patient, quoi. Il vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, on est dans... On trouve qu'on est dans un système où l'emploi des produits phytosanitaires est en premier lieu. Et nous, on voudrait le mettre en troisième. On voudrait faire une lutte intégrée, faire une lutte biologique, et en filet de sécurité, faire une lutte de produits phytosanitaires. L'année dernière, j'ai commencé à réduire. Cette année, je commence à faire quelques impasses, mais je suis encore jeune. En 3 ans, je peux pas acquérir d'une expérience. Il y a une transition là qui est pas facile, quoi. Moi, le contrat de parrainage va pas aboutir avec Benoît, mais c'est pas grave en soi, parce qu'on aura une expérience chacun. Je vais revenir au conventionnel, mais je vais m'intéresser plus à la génétique, donc je vais sur un élevage de sélection. C'est un élevage en fait qui va produire des veras pour inséminer les truies en fait. Donc voilà, je vais rester sur un petit élevage, mais en faisant de la génétique quoi. Donc seul dans un premier temps. Je vais peut-être m'agrandir un petit peu pour avoir un salarié et du coup travailler un peu moins. Pour être bien dans sa tête, il faut des fois décrocher un peu du boulot, donc j'ai pas honte de dire que je travaillerai un peu moins si je prends un salarié, et ça fera vivre quelqu'un d'autre en plus. Donc, dans quelle région tu souhaites t'installer ? Les maladies des animaux, en fait, sont assez présentes en Bretagne, donc du coup, ces élevages-là de sélection, de multiplication, sont plutôt en périphérie de la Bretagne, donc en Normandie. Voilà. L'idée des petites exploitations, c'est que sur le papier, elles sont transmissibles. Plus facilement. Souvent, le fils s'installait, les parents léguaient le capital de l'exploitation, et ça fonctionnait comme ça. Et le fils en remettait une couche, et ça donne des exploitations à capitaux énormes, qui, je sais pas sous quelle forme, ils vont se reprendre. En tout cas, nous, en bio, on a un garde-fou qui est le capital, comme c'est des petites structures. Forcément, les reprises elles vont être beaucoup plus faciles parce que les surfaces, enfin les tracteurs, tout est dimensionné en fonction de la taille de l'élevage. Et du coup, il n'y a pas besoin de se surendetter. J'ai tout fait pour ne pas m'agrandir, mais je me diversifierai à soit une autre production, soit de la vente directe, mais je m'agrandirai pas. Moins j'ai de crédit, mieux je me porte. Moi, je vais être aux 35 heures. Je travaille moins le sol. Une anecdote, il y a une formatrice qui a raconté qu'un de ses agriculteurs lui avait dit qu'il était en agriculture de conservation, donc sans travail du sol pendant X années. Et il dit à la formatrice, il dit « Je vais être obligé de labourer ». La formatrice a dit « Pourquoi ?»« Parce que ma femme trouve que je passe trop de temps à la maison ». La saison que je préfère, c'est celle qui change tout le temps. Donc j'aime le beau temps quand il pleut, et puis quand j'ai chaud, j'ai envie qu'il pleuve. Là, la période, il y a l'excitation. Là, on fait les semis, de repartir sur de nouveaux essais. Donc on est excité de voir ce que ça va donner. Maintenant, on attend qu'il lève et tout. Moi, je vais dire, j'aime bien l'automne. On retrouve la fraîcheur, les couleurs qui changent, et... J'ai peut-être, par rapport à mes anciennes activités où j'étais agriculteur chez mes parents, c'est vrai qu'en été, c'est la période des vacances, et donc tout le monde partait en vacances, et nous on restait à la maison. Et je suis breton, donc j'aime pas trop la chaleur non plus. Donc j'aime bien l'automne, c'est pas mal, c'est pas mal. Ma saison préférée, j'en ai peut-être deux. La première, c'est le printemps, parce que là, il y a la végétation qui repart, tout est vert, tout est formidable, les oiseaux qui reviennent. Et j'en ai une deuxième, c'est l'automne, quand on rattaque une nouvelle saison, en fait, les semis, ça amorce une nouvelle année, on repasse à quelque chose d'autre. Merci à Emmanuel Gauthier, Benoît Lyon et Francis Guingamp. Merci aussi à Annabelle et Olivier Potel, Patricia, Arnaud Chausset, Marc Bourgeot, Marie-Claire et Jean-Claude Chausset, Pierre Decomte, Philippe et Denise. Un documentaire de Julie Navarre, mixé par Alain Joubert, réalisé par Jean-Philippe Navarre. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avant la traite, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret.